Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coûts humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine et aujourd'hui, premier jour de 2020, L'automobile et nous, une série d'Olivier Chomel réalisée par Yvon Croisier. Au départ de cette série, il y a cette vision fugace et évitée de justesse du camion qui vous arrive droit dessus. Les accrochages et la peur panique de la réaction du conducteur. Ce soulagement aussi de pouvoir verrouiller de l'intérieur quand déboule le chauffard qui fulmine et les torrents d'insultes. Bref, la bagnole parfois, c'est moche. Alors pour commencer, les personnages. Une conductrice échaudée, un philosophe qui théorise, un intervieweur interviewé, un historien qui constate, un psychologue qui observe et une avocate sur la route. Ensuite, le décor. Le respect, la courtoisie, le tutoiement, la régression, un accident, la puissance, la virilité, des stages, de la testostérone, le plaisir et puis le machisme. Aujourd'hui, troisième épisode, une scène d'anthologie. Écoute, c'est toi qui conduis ou moi? C'est moi. Pour moi, alors tais-toi. Y a du whisky dans la boîte à gants. Et des américaines t'as qu'à taper dedans. La voiture change l'homme, la voiture change la personnalité, et c'est peut-être ça qui rend le truc intéressant en fait. Je suis au volant, je suis tout puissant. Je ne respecte pas la règle, je ne respecte personne d'ailleurs au volant, voilà. La voiture est un objet d'attrait sexuel parce qu'elle symboliserait la puissance virile. Non, je ne déteste pas ça. On a toujours dit qu'effectivement, quand on avait une grosse voiture, c'est qu'on avait une petite... Voilà. La voiture, c'est l'espace où tu peux transgresser la règle. C'est un fléau, c'est une arme par destination. On n'enlèvera pas au monde de l'automobile un machisme quasiment consubstantiel. L'automobile et nous. Olivier Chomel, Yvon Croisier. Cylindré, virilité, ton clignotant connard. Soudain, juste avant Monte Carlo. C'est ça le manque de peau. La Clio Jaguar fait une embardée et droit devant la vlaque qui pique dans le fossé. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben un piéton, ouais, plus, voilà. Hein? Mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Mais écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Et alors, moi, je suis pressé, voilà. Ouais. Alors, voilà, c'est là. Mais, c'est fini, oui. Mais je vous en prie. Alors, voici ma carte. Hein? Voici ma carte. Mon agent d'assurance vous contactera. Voilà. Ah, okay. Vraiment? Oui. Il y en a qui marchent pas de culot. Avec sa grosse bagnole. L'espace public est parcouru par des gens à pied, à bicyclette électrique ou non, à trottinette électrique ou non, à moto, à dos d'âne, mais c'est plus rare, en plus la réglementation nous contraint à ramasser le crottin, en voiture, en camion et à bord de quelques autres types d'embarcations. Nous avons tous remarqué que lorsqu'on est de l'une de ces catégories, on se met bien vite à haïr toutes les autres. Le piéton déteste le cycliste, l'automobiliste voudrait exterminer le piéton, etc. Le badaud immobile est bien le seul à ne pas récriminer. C'est surtout l'automobiliste qui se fait irascible dans la circulation. Peut-être se sent-il moins vulnérable dans sa boîte en métal et plastique. La masse du véhicule en impose. Pourquoi donc devrait-il ralentir à l'approche du passage piéton? Quel est donc ce bipède qui prétendrait passer devant lui? Pourtant, lui aussi, lorsqu'il marche dans la ville, il tient à sa priorité inaliénable. L'être humain qui s'installe au volant de son auto est à distinguer de l'homo sapiens ordinaire. C'est le même animal, mais un peu modifié. D'un mouton, la bagnole fait parfois un fauve. Madame ou monsieur se surprendra à klaxonner frénétiquement si le conducteur qui le précède tarde une demi-seconde à redémarrer quand le feu passe au vert, à brandir le poing pour un refus de priorité, à proférer des invectives épouvantables si le livreur qui bloque la rue met plus de 2 minutes à décharger sa marchandise et à faire signer son bordereau, voire à sortir la manivelle pour un dérisoire froissement de tôle ou une rayure à peine visible. La route fait des morts, et pas seulement lors des collisions. Oh, je suis sûr que c'est une gonzesse. Au volant, les femmes sont plus prudentes que les hommes. Eh ben, lève-toi, va la faire traverser la vieille pendant que tu y es. Les statistiques prouvent qu'elles ont moins d'accidents graves. Je rêve, elle a avalé un radar. Elles devraient payer leur assurance moins cher. Ah bon, alors toi, quand tu vois un stop, tu stops. Le groupe Azur crée Azur Femmes, une assurance auto spéciale pour les... Patate ! Pour les femmes, dont les prix sont plus bas que pour les hommes. Eh, j'ai pas bien entendu, là. Une assurance auto moins chère pour les femmes. Appelez votre agent Groupe Azur ou le 37 28 82 82. C'est ça, téléphoner. Alors t'avances ! Je crois pas que ce soit inventé, Christine, qu'on observe peut-être plus qu'avant des comportements un peu aberrants en rapport avec la voiture. Une agressivité nouvelle, des doigts d'honneur qui viennent très vite. Et puis il y a ce lien bizarre qui existe entre la puissance du moteur. Ah oui. Et d'une part la position sociale sans doute, même si la voiture est achetée à crédit, et aussi par un lien qui m'échappe avec la puissance sexuelle du conducteur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors on a toujours dit qu'effectivement quand on avait une grosse voiture, c'est qu'on avait une petite... Voilà, et je supporte, je suis pas allée constater. Je pense qu'effectivement, à l'heure actuelle, si à 40 ans, moi, mon fils me disait l'autre jour, tu te rends compte, à 40 ans, si on n'a pas son Audi, ça veut dire qu'on avait raté sa vie. Je dis non, c'est ce que disent les jeunes, ils me disent oui, à l'heure actuelle. Et c'est vrai que les gens qui étaient au volant de ces voitures-là, je dis pas tous, faut pas exagérer, hein. Mais ouais, ils ont eu un comportement qui est encore plus agressif, plus laisse-moi ma place. Voilà, les autres n'existent pas pour eux, quoi. Et je trouve qu'il y a des gros problèmes de respect de la conduite à l'heure actuelle des gens. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh ben, les gens doublent facilement, vous collent, ils sont plus hargneux au volant, ils klaxonnent pour un oui, pour un non, ils ont un irrespect de l'autre qui est quand même assez important. Enfin, peut-être que je prends de l'âge, hein, mais... Et puis je conduis pas de la même façon maintenant, je conduis plus entre guillemets plus pépère, comme on dit. Quoique. Florent Bussy, la route n'est pas toujours un lieu de pure courtoisie. Non, d'ailleurs c'est comme ça que on l'entend pour beaucoup d'entre nous. Hein. On se méfie quand même globalement des automobilistes quand on est piéton ou quand on est cycliste. Il y a beaucoup aujourd'hui de protestations contre les usages abusifs de la voiture. Et nous-mêmes, comme nous sommes piétons ou comme nous sommes cyclistes, au moment où on devient automobiliste, il arrive qu'on ait des comportements qu'on s'étonne d'avoir quelque part. C'est-à-dire que là, on devient impatient, on devient agacé par la concurrence pour trouver une place de stationnement. Et donc, là où on pourrait se convaincre qu'il faudrait se comporter autrement, il arrive que dans certaines situations, par exemple sur le périphérique, quand les bouchons sont sur l'autoroute, quand les bouchons sont très longs, moi-même, en tant qu'usager de la voiture, il m'arrive de m'agacer, il m'arrive de... pas d'aller jusqu'à la violence, hein, ni même à l'insulte, mais ne serait-ce que m'agacer, parfois de me dire « je vais essayer un détour pour essayer de voir si je peux pas aller plus vite que les autres et leur griller la politesse », ça marche jamais d'ailleurs. J'ai encore fait l'expérience récemment, ça ne marche absolument jamais. On croit qu'on va trouver le détour qui permet d'aller plus vite, et c'est pas vrai, mais on voudrait en voiture toujours être un petit peu différent des autres, on voudrait toujours être un petit peu privilégié par rapport aux autres, on supporte pas d'être rapporté au commun, et c'est ce qui fait qu'on est agacé, c'est ce qui fait qu'on supporte pas qu'un tracteur nous empêche d'avancer, qu'on supporte pas qu'on devoir s'arrêter un passage piéton. On le fait, mais on le fait toujours un petit peu de mauvais cœur, je crois. L'insulte vient facilement quand il y a une petite contrariété au volant. Ton clignotant connard, on est protégé de toute façon, le tutoiement et l'insulte n'iront pas jusqu'aux oreilles de son destinataire. il arrive que ça arrive quand même, hein, parce que parfois les fenêtres sont ouvertes, parce que certains ont des caractères plus un peu plus féroces que d'autres. Mais vous avez raison quand même. Globalement, on reste protégé derrière les parois de sa carrosserie et ça reste entre soi et soi-même, entre soi et ses passagers. Mais c'est vrai que c'est facilement l'insulte apparaît au bout de nos lèvres, le tutoiement, la familiarité, parce que l'autre, encore une fois, est un ennemi, un concurrent, un obstacle, tout ce qu'on voudrait ne pas voir persévérer sur la route. On voudrait que la circulation soit libre, fluide, simple, sans obstacle. Donc c'est un lieu que moi je souhaiterais pouvoir être de civilité, mais concrètement on s'aperçoit que la plupart du temps ça ne l'est pas, surtout en période d'affluence. Disons. Pour le reste du temps, les gens restent corrects, hein, tant que la voie est libre. Attention, non ? Mais où tu te crois, connard ? C'est conduire ou quoi ? Pauvre con ! Pardon, monsieur, je suis désolé. Connard ! J'étais en train de discuter. Mais tu te crois où, pauvre con ? J'ai un tout petit peu touché votre rétroviseur. Connard ! Qu'est-ce que c'est que ce phénomène qui fait qu'une personne très douce dans la vie se métamorphose dès qu'elle est au volant ? Ça marche pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on observe. Si, ça marche, parce que moi, ça marche sur moi, donc. Alors, qu'est-ce qui se produit ? Je pense qu'il y a des avant-événements. Il suffit simplement qu'il y ait eu un événement avant qui fasse que, pour une raison quelconque, déjà, ça nous a bien énervés. On a été en retard pour telle chose, ou on a mal reçu, effectivement, je sais pas, bref. Parce qu'on est chez soi dans son véhicule. Je pense qu'il y avait un phénomène psychologique qui doit faire que quand on se retrouve effectivement agressé en voiture, on devient « laisse-moi tranquille, je suis chez moi, dans mon véhicule ». Je pense, on ne se le dit pas vraiment, mais je pense qu'il y a un phénomène comme ça. Enfin, j'étais bien dans mon véhicule, j'étais tranquille, je conduisais, il y a quelqu'un qui m'agresse là. Et là, on devient effectivement les gongs sautent, quoi. Je pense que c'est ça. Moi, souvent, j'ai remarqué que quand je me mettais en colère, ce qui est rare à l'heure actuelle, c'est souvent parce qu'il y a eu une succession de choses qui m'ont déplu avant, ouais. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Mais ça mène parfois à des réactions qui sont totalement disproportionnées à la situation. Parfois pour des broutilles, pour une rayure. J'en ai un qui, effectivement, m'a fait le coup du couteau sous la gorge. Moi, ça m'a fait un drôle d'effet, ouais. Et il nous a poursuivis. J'étais avec un ami à ce moment-là dans la voiture. Et il nous a poursuivis pendant un moment. Jusqu'à un moment donné où, effectivement, il y avait un feu rouge qui est arrivé. Et j'ai eu... le feu rouge est passé au moment où j'arrivais, j'ai accéléré pour passer. Hein, parce que le gars, il nous poursuivait. Là, oui, effectivement, là, ça fait peur quand même. Et qu'est-ce qui s'était produit pour qu'il en vienne là ? Eh bien, simplement, j'avais déboîté. Et en déboîtant, j'étais garée, donc je déboîte et je fais un demi-tour. Et j'avais largement la place. Et il était loin quand même, donc j'avais largement de faire toute cette manœuvre. Mais ça ne lui a pas plu, je ne sais pas, ça ne lui a pas plu au gars. Pourquoi, j'en sais rien. Mais vous conduisez, Olivier ? J'ai le permis, je conduis parfois, oui. Parfois, mais c'est-à-dire combien de fois par semaine ? Oh là ! Deux fois par an. Ah oui ! En vacances, quoi. En vacances ? C'est bien les vacances pour conduire. C'est là où les gens devraient être beaucoup plus calmes. Eh ben non. Il faut quand même qu'ils emmènent leur agressivité avec eux. C'est terrible ce qui vous est arrivé ! Quoi ? Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé. Espèce de connard. Sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Il y a ceux qui se font violer. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible. On a touché à ton rétroviseur. C'est terrible. Effectivement, je me pose avec vous la question, qu'est-ce qui fait que lorsque quelqu'un est dans un habitacle métallique, ce n'est plus la même personne ? André Roche, historien. Qu'est-ce qui le métamorphose ? C'est assez complexe, c'est-à-dire que l'automobile, c'est la force. On accélère, on donne un coup de frein, on donne un coup de volant, etc. Et c'est peut-être un sentiment d'invulnérabilité totalement illusoire. Ah, c'est un sentiment d'arbitraire. D'arbitraire. Ah ben oui. Les autres ont qu'à rester sur le trottoir. Je pense que à un moment donné, il n'y a plus de loi. Autrement dit, j'ai ma voiture, elle est faite pour rouler vite, mettez-vous sur le côté, voyez. Et puis enfin, il y a aussi cette idée que la voiture, c'est pas ma voiture, c'est moi. Autrement dit, il y a une sorte de fusion avec sa voiture. Donc si vous éraflez ou vous touchez une voiture, mais c'est immédiatement quelque chose de très grave. Mais je ne veux pas moraliser non plus. Dès que je suis au volant, je suis comme tout le monde. Bon, voilà. Il y a un phénomène que vous décrivez habilement, Jean-Pascal Assailly, en prenant l'exemple d'un dessin animé américain où un même personnage est successivement Mr. Walker, le piéton, qui est placide, serein, et qui devient Mr. Wheeler, celui qui roule, qui devient soudain fou hargneux. Oui, tout à fait. Et ça, c'est une question que, alors là, les chercheurs en sécurité routière se sont posés dès le début. La société nous l'a posée dès le début, cette question-là. Elle nous a dit, dites-nous si finalement la conduite reflète la vie. Est-ce que si on veut comprendre comment quelqu'un conduit, il suffit tout simplement de regarder comment il est dans la vie en général, et puis ça va s'illustrer au volant. Alors, donc, on a cherché un petit peu sur cette question. Il y a deux populations pour lesquelles cette idée qu'on est exactement pareil au volant et dans la vie, elle marche bien sur deux groupes, deux populations. D'une part, les délinquants. C'est-à-dire, quand vous étudiez les gens qui sont en prison, quand on regarde, ils ont des mauvais bilans routiers. On va trouver des accidents aussi, et des infractions, et des suspensions de permis. C'est peut-être pas si difficile à comprendre. D'une part, si vous n'avez pas peur de braquer une banque, vous n'avez pas peur de glisser un stop quand même. Hein, bon. Et d'autre part, en général, chez les délinquants, c'est la question du rapport à la règle qui est altérée, d'une manière générale. Pourquoi voudriez-vous qu'ils respectent plus le code de la route qu'autre chose? Bon, voilà, donc c'est... Il y a un deuxième groupe aussi, pour lequel la correspondance totale entre la vie et la conduite marche bien, ce sont les gens en situation de forte exclusion. Les sans-domicile fixe, les chômeurs de très longue durée, les gens en situation de grande exclusion sociale. Eux, ils ont tendance à prendre effectivement des risques dans tous les domaines de la vie, à se comporter dangereusement dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'ils sont au volant, ils vont avoir des accidents. Quand ils vont au foot, ils vont avoir des cartons rouges parce que l'arbitre va les exclure du terrain parce qu'ils se comportent trop violemment. Quoi qu'ils fassent, ils vont se comporter dangereusement tout le temps. Alors, le problème, c'est que là, je viens de parler des délinquants et des exclus. Donc, nous parlons de quoi ? Les gens en prison, c'est 70 000 personnes. Les gens en exclusion, c'est quelques centaines de milliers. Le problème, c'est qu'il y a 40 millions de conducteurs en France. Et que donc, si maintenant on dézoome et qu'on regarde l'ensemble des conducteurs de voitures, parce que tout le monde n'est pas en prison quand même, ou tout le monde n'est pas exclu en France, eh ben effectivement, c'est plutôt la contre-hypothèse. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens ne conduisent pas comme ils sont dans la vie, et que la voiture change l'homme, la voiture change la personnalité, et c'est peut-être ça qui rend le truc intéressant, en fait. Mais ça marche comment, ce phénomène ? Ah, il y a plusieurs raisons. Donc, effectivement, on constate bien qu'il y a des gens qui vont se comporter très dangereusement sur la route et très prudemment par rapport à leur compte en banque ou leur cholestérol. Bon. C'est effectivement le mouton qui devient un loup enragé dès qu'on lui met un volant entre les mains. Pour un psychologue, évidemment, nous, ce qui va nous frapper tout de suite, c'est ce qu'on va appeler l'aspect régressif. La voiture est un objet qui nous fait régresser au stade initiaux de notre existence. Nous naissons tous dans la toute-puissance et tout le travail de l'éducation pour le ciment, c'est de faire sortir l'enfant de la toute-puissance, tenir compte des autres, etc. La voiture nous fait régresser à ces stades initiaux parce qu'elle crée un espace transitionnel. Et la voiture permet ça parce qu'elle nous isole beaucoup du monde. Vous êtes à 50 en ville ou 90 sur une nationale ou 130 sur une autoroute. Tous, nous vivons quelque chose de très fréquent, c'est que quelqu'un vient se coller à 2 mètres derrière notre pare-choc arrière, et vous avez bien compris qu'il veut que vous dégagiez le plus vite possible. Donc, sur la route, on va appeler ça un non-respect des distances de sécurité, mais la même personne ferait ça avec son corps et votre corps sur le trottoir, juste 3 mètres à côté, vous ne diriez plus infraction, vous diriez agression. Hein, voilà. Donc, la voiture, en France, c'est un des derniers endroits où on peut se permettre d'être violent, parce que c'est pas perçu comme de la violence. 15 août 1975. 7 heures. Radio France, vous écoutez France Inter. Voici Pascal Dalannoy. Toutes les brigades de gendarmerie, toutes les polices de la région parisienne sont à leur recherche. Ils sont deux. Ils portent des t-shirts rouges. C'est tout ce que l'on sait des deux voyous en 504 qui ont pourchassé l'autre nuit une deux chevaux près de Pontoise dans le Val d'Oise. Ils ont percuté par jeu, si l'on peut dire, la deux chevaux qui s'est retournée. La jeune femme de M. Jean-Pierre Manteau, le conducteur, a été tuée. Ses deux fillettes, Laurence, 6 ans, et Emmanuel, 5 ans, ont été blessées. M. Manteau a raconté à Marie-Josée Juan comment tout s'est passé. J'ai vu une 504 qui roulait en fer, j'ai fait un appel de fer. Elle a mis en code, hein, comme sans problème. Je l'ai croisée, et 500 mètres plus bas, comme j'arrivais dans les courbes du village, je me suis aperçu qu'elle avait fait demi-tour. J'avais vu les phares qui faisaient demi-tour, et le type, il accélérait à outrance. Enfin, il m'a rattrapé à la sortie de Valangougère, puis il m'a d'abord suivi à 2-3 mètres, bien en ligne, hein, 2-3 mètres. Et puis un petit choc, il m'a poussé 300-400 mètres, alors moi j'ai toujours freiné. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Je pensais que c'était un dingue qui voulait absolument me foutre en l'air. C'est un criminel, c'est tout. Explique pas ça autrement. Alors évidemment, le type, moi avec une 2 chevaux et une 504, il m'a poussé 300-400 mètres, puis après, bon, moi j'étais à 70, on est monté à peu près à 90, je serrais la droite, il y avait un pavé, vous savez, de caniveau, puis après je suis monté un petit peu dans le talus, la voiture s'est retournée. Alors moi je me suis relevé aussitôt, hein, j'étais pas blessé du tout. J'ai vu 50 mètres derrière moi. La 504, elle avait déjà fait demi-tour, elle avait déjà fait sa demi-manœuvre et elle se préparait à repartir vers Pontoise. Et les assassins de la route n'en sont pas restés là. À quelques kilomètres de là, les deux voyous ont recommencé. Mais l'automobiliste visé a réussi à s'enfuir et à prévenir les gendarmes. Il a aperçu dans son rétroviseur les deux tueurs, le visage caché par des masques de carton. Il a noté le numéro d'immatriculation de la 504, une voiture de couleur bordeaux, volée à un habitant de Melan. Notez bien son numéro, 3783JX78, je répète, 3783JX78. On arrive au fil des années à dresser un peu le portrait robot du délinquant routier. Et on arrive à comprendre aussi la relation très forte que l'homme a avec la voiture, qu'il soit délinquant ou pas. Joanne Collard, avocate, spécialiste de la défense des victimes de violences routières. Cette relation de l'homme et pas de la femme. Qui n'a pas le même rapport au véhicule, c'est à la fois une relation de puissance, de liberté et de transgression de la règle. La voiture, c'est vraiment, pour certains hommes, à mon avis, quelque chose de plus important que sa famille. Et c'est ce qui explique les tollés qu'il y a chaque fois qu'il y a des mesures qui sont prises pour la sécurité routière, parce que c'est vécu comme si on allait toucher à leur bagnole. C'est « touche surtout pas à ma voiture ». La voiture, c'est l'espace où tu peux transgresser la règle et ne pas prendre de risque, tout au moins croire que tu n'en prends pas. En tout cas, ne pas prendre de risque judiciaire. Pas pris. Mais même si tu es vu et que tu es pris, le risque est minime. Aujourd'hui, en France, vous tuez quelqu'un, vous n'avez pas d'alcool, vous n'avez pas de drogue, vous prenez de la prison sursis. Donc voilà, vous blessez quelqu'un, vous prenez 3 mois sursis, même si la personne que vous avez blessée est un mort-vivant pour toute sa vie. Quant au risque d'être blessé ou de mourir sur la route, comme il pense profondément que ça n'arrive qu'à l'autre, quand ils transgressent la règle, ils ont l'impression de la transgresser sans risque. Il m'arrivait en plein dessus, j'ai vu le moment où ça y était. Surtout que quand il a freiné, il roulait au moins à 100, hein. Facile. Et alors c'est là que... Ah oui, pourquoi t'as mis une heure à dégager? Mais j'ai pas mis une heure, tu me fais rire, c'est pas une Jaguar. T'avais le temps de passer quand même, là. Mais j'ai calé, ça t'arrive jamais? Ouais. J'ai calé. Vous doublez quelqu'un, il est pas content. Ça lui plaît pas. Qui n'a pas vécu ça? D'accord? Et il vous redouble et il vous fait une queue de poisson. Bon. c'est quoi ? Avec un doigt d'honneur. Avec un doigt d'honneur. Et quelquefois, au détour de cette queue de poisson, un accident arrive. Voilà, c'est. Tu as touché à mon ego, tu as peut-être touché à ma puissance, tu as. Voilà, je suis au volant, je suis tout puissant, je suis au volant, je suis tout puissant. Je ne respecte pas la règle, je ne respecte personne d'ailleurs au volant. Voilà. La faute à quoi ? J'en sais rien. Lui, il cale. Moi, j'arrive, je suis à droite. Évidemment, si je suis pas là, il va s'arrêter sur le talus. Si. Et puis, si, à part cette espèce de caniveau, je fais pas des tonneaux non plus. Quand il est arrivé sur toi, j'ai dit ça y est, c'est sa direction qui a cassé. Non, c'est pas là qu'il a cassé, je crois pas, c'est après. Mais ils vont tous trop vite alors ? Trop vite, faut pas dire ça, j'en sais rien. Il allait à sa vitesse. Vous notez, Jean-Pascal Assailly, que chacun a de bonnes excuses pour commettre des infractions. Par exemple. Oui, j'ai bu 5 verres de vin, mais je conduis très bien avec une alcoolémie moyenne. Je fume des pétards avant de prendre le volant parce que ça me décontracte et que je suis plus zen et moins agressif. Je suis vieux, j'ai de l'expérience, je vois presque plus rien, mais ma voiture connaît le chemin. Enfin, on en est un peu là. Oui, c'est ça. Alors, d'abord, dans le jargon, nous, les psychologues, c'est ce qu'on appelle l'optimisme comparatif. C'est-à-dire quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes meilleur conducteur qu'autrui, que la moyenne, ou est-ce que vous avez plus ou moins de chances d'avoir un accident, on voit bien ce biais. C'est-à-dire qu'en général, chacun de nous s'estime d'abord meilleur conducteur que la moyenne des Français. Et puis donc aussi, ça crée un biais de perception du risque, c'est qu'il s'estime moins susceptible d'être touché par l'accident. Si vous voulez, c'est un peu un mécanisme de défense. Chacun de nous, s'il estimait qu'il a plus de chances, dès qu'il sort dans la rue, d'avoir un accident qu'autrui, ça serait un peu anxiogène quand même. Donc pour se défendre, on préfère se rassurer en se disant « moi, j'ai mon ange gardien là ». J'ai moins de risques. Beaucoup de gens, des fois, ont tendance à penser soit qu'il y aurait une petite race de chauffards sur la route qui ferait toutes les bêtises, là, alcool, vitesse, cannabis, ceinture, téléphone, qu'à la limite, il suffirait de les détecter et puis de les éliminer, hein, voilà, et puis on aurait une belle route où il n'y aurait plus d'accidents. Mais non, ça marche pas du tout comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, les 3400 tués qui restent sur la route, ça n'est absolument pas une petite fraction des conducteurs. C'est en fait chacun de nous. Parce que chacun de nous va sélectionner, on va dire, une petite bêtise, un vice, voilà. Certains, ça va être uniquement l'alcool, mais pour le reste, ils vont pas du tout être infractionnistes sur la vitesse. D'autres, ça va être que le cannabis, mais par contre, ils boivent pas. D'autres, ils vont passer toute la journée à téléphoner au volant, etc. Bon, donc chacun de nous va choisir, on va dire, qu'un type d'infraction. On en trouvera qui cumule tout ça aussi. Il peut arriver d'en avoir qui cumule, bien sûr, voilà. Mais en tout cas, après, pour se dédouaner, pour se déresponsabiliser, chacun va essayer de se persuader qu'effectivement, les 3400 tués, ça n'est pas son infraction à lui qui sont la cause de ça. C'est les infractions des autres. Mais tu sais qu'avec toi, j'ai peur. Je dis ça, mais en réalité, elle trouve que je conduis comme un dieu. Regardez-moi cette tenue de route. Avec un type comme moi et une voiture comme ça, ben, c'est le maximum. Si seulement le moteur faisait plus de bruit, on l'entendrait moins. Mais qu'est-ce qu'elle a à parler comme ça ? Elle n'est pas capable d'apprécier mes qualités étonnantes de conducteur viril ? Dis, mon chéri, sur l'autoroute, je t'en prie, doucement. Et en avant pour la vitesse pure ! La bête ! Au fond, ça lui fait tellement plaisir de croire que j'ai peur. La voiture s'est occupée de l'espace. André Roche. Et occupée de l'espace, ça veut dire montrer de l'importance. Et de ce point de vue, l'autoroute va cumuler. L'autoroute, cela signifie qu'on entre, pour ainsi dire, dans un tunnel. Et puis, on en sort une fois qu'on arrive à destination. L'autoroute valorise la vitesse. L'autoroute, c'est combien de temps ça va prendre pour arriver à Marseille. C'est là que se situe d'ailleurs, sinon la virilité, en tout cas l'affirmation de soi. D'abord, on dépasse une petite coccinelle ou une petite deux chevaux, de rien du tout. Affirmation. Deuxièmement, on la dépasse en accélérant. Alors, c'est d'une violence extrême, hein, parce que on va le mater. C'est l'équivalent du duel. On se bat plus à l'épée, mais on se bat à la vitesse. Florent Bussy, finalement, c'est pas mal de rouler quelques kilomètres à 200 km/h sur une autoroute déserte. C'est pas mal dans les deux sens. Il n'y a pas de mal à ça. Le plaisir existe. C'est tout à fait grisant, ça c'est certain. Et en plus, en soi, effectivement, c'est pas une question morale. Si on est tout seul sur la route, on peut se dire qu'il n'y a qu'à soi qu'on fait courir un risque. Ça le deviendrait si on le faisait en plein jour, en slalomant entre les voitures. Vous connaissez ce petit film de Claude Lelouch où il part de la porte de la Muette et où il va le plus rapidement possible. Alors c'est tourné en août à 5h du matin. De la porte de la Muette au Sacré-Cœur. Ça fait très peur. Oui, oui, bah ça, on imagine que ça peut être tout à fait un objet de fantasme. Je crois avoir vu des choses équivalentes où il s'agit de faire un record, en fait. Le record du tour et de combien? Et puis, dans le même ordre d'idées, que Lelouch a fait, je crois que c'est lui qui a fait un homme, une femme avec Jean-Louis Trintignant. Et on voit là un pilote automobile qui passe une partie du film se passe sur un circuit automobile. Donc il teste des voitures, il teste des moteurs. Et on voit toute la griserie qu'il peut y avoir dans le fait d'être au volant de ces automobiles. Ça peut d'ailleurs donner un véritable sex appeal, hein. Ça peut être tout à fait enthousiasmant pour des femmes. Ça peut être tout à fait enthousiasmant parce que ce qu'on appelle la puissance depuis qu'on discute, l'idée, c'est que ça nous fait quand même sortir un petit peu de notre condition naturelle. L'homme est naturellement fragile, l'être humain, je veux dire, est naturellement fragile, il a ses limites, il a sa fatigue, l'automobile augmente considérablement sa puissance et ses capacités, et très facile d'utilisation. Aujourd'hui, dans une perspective où on parle du transhumanisme, de l'amélioration, de la croissance des capacités humaines, depuis déjà un siècle, l'automobile participe de ce rêve-là, d'aller au-delà des limites de la condition de l'homme et de sa fragilité en particulier, et de sa faiblesse et de sa fatigue. La voiture nous permet d'aller toujours plus vite, toujours plus loin. Est-ce que vous êtes absolument certaine, Johann Collard, qu'on peut réserver certains comportements déraisonnables derrière le volant au genre masculin? Parce que je suis à peu près convaincu que certaines femmes peuvent avoir les mêmes travers. Alors, la réponse est non. La délinquance routière, elle est quasi essentiellement masculine. Alors, on a eu un petit changement ces 4-5 dernières années, parce que les femmes se sont mises à boire et que donc elles ont causé des accidents sous l'empire de l'état alcoolique. Mais les femmes ne sont pas accidentogènes, de la même manière que les personnes âgées ne sont pas accidentogènes. Alors après, il y a toujours des accidents, mais en termes de statistiques, les femmes ne sont pas accidentogènes. Et pourquoi? Parce que ce rapport de puissance, moi je dirais de sexualité, de l'homme avec sa bagnole, c'est typiquement masculin. La sexualité, c'est une forme de puissance. Et la voiture, c'est également une forme de puissance, parce que, encore une fois, on peut aller vite, on peut se sentir fort. Voilà, c'est un lieu de pouvoir, c'est une symbolique. Et probablement que tant qu'on n'aura pas trouvé le chemin qui peut mener à une modification d'une telle perception, on ne gagnera pas complètement le combat de la sécurité routière. Prenons ce qui s'est passé récemment avec les radars. Quand il y a eu les mouvements des gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont cassé en premier? Ils ont cassé les radars. Voilà. Inter, actualité. 19 août 1963. Au micro, Jean-Armand Ladidi. Je vous propose de nous pencher sur un chiffre. Un chiffre qui prête une fois encore à réflexion. 172 morts, c'est le bilan provisoire du week-end du 15 août sur les routes de France. Encore 172 morts de trop. Conseiller la prudence, peur du gendarme, rien n'y fait. Alors pourquoi, une fois encore, ces 172 morts? Qui est responsable? Les routes glissantes, le mauvais temps, les bourrasques de vent? Peut-être. Pour Paris Jour, le seul responsable de l'hécatombe permanente, c'est la vitesse. Pour notre confrère, tout le monde roule trop vite en France. Alors, il préconise, comme remède, la limitation de la vitesse. Mais qu'en pensent les automobilistes? Nous avons voulu le savoir. Cet après-midi, Tommy Franklin a mené une enquête dans la rue. Nous nous trouvons en ce moment boulevard Gouvion-Saint-Cyr. Nous sommes devant les volumètres d'une grande station-service. Monsieur, vous venez de faire le plein, je m'excuse de vous interrompre. Si on vous annonçait que la semaine prochaine, pendant le week-end, la vitesse redeviendrait limitée, qu'en diriez-vous ? Je crois que la vitesse limitée ne change rien aux accidents. C'est votre sentiment ? Oui. Je suis contre. Vous êtes contre, pourquoi ? La plupart des accidents sont produits par la lenteur ou autre chose des voitures. Alors, c'est pas parce qu'on va rapidement, au contraire, plus on va rapidement, plus on fait attention à la circulation, et moins on a d'accidents. Au compteur 180, à la borne 190, effusion 200. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le drame arrive, l'accident grave ou mortel, on retrouve la même attitude systématique dans tous les dossiers et depuis 40 ans, malheureusement, Dieu sait que j'en ai traité. C'est la négation de la responsabilité. C'est-à-dire, c'était l'autre qui avait tort. Puis quand on démontre que c'est une évidence que c'était le responsable qui avait tort, il n'est quasiment jamais dans l'excuse, dans le repentir et dans la prise de conscience de l'acte qu'il a commis. Je n'ai pas d'explication à ça, sauf à penser qu'inconsciemment peut-être, il considère que c'était son espace de liberté et qu'on n'aurait pas dû venir l'emmerder, même s'il avait tué quelqu'un. Et ça, c'est typique du délinquant routier. Alors, pour répondre à votre question, je pense que ces gens-là, effectivement, lorsqu'ils prennent leur bagnole, c'est une transformation totale, parce que les délinquants routiers qu'on rencontre dans les tribunaux, c'est des bons pères de famille, c'est des gens qui ont des jobs, dans 99% des cas. Voilà. Ils ont une vie, c'est monsieur tout le monde, bien aimé des voisins, bien aimé des enseignants, à qui on n'a rien à reprocher, voilà. Mais quand il prend sa bagnole, c'est plus monsieur tout le monde, c'est quelqu'un d'autre. Pascal Assailly, je compte sur le psychologue que vous êtes pour m'éclairer sur un point particulier qui est le lien qu'on fait, inconsciemment sans doute, entre la cylindrée de l'automobile et la virilité du conducteur. Oui, voilà, c'est effectivement le facteur le plus important sur la route. Hein. Quand on regarde comment est-ce que l'âge joue, le milieu social... Il n'y a rien qui joue autant que le sexe du conducteur au volant, de très très loin. Entre 18 et 60 ans, 80% des tués sur la route, ce sont des hommes. Et encore, dans les deux femmes tuées sur les 10 tuées, une est tuée comme passagère d'un conducteur masculin. Donc on est presque sur du 90-10. Donc il n'y a aucun facteur qui peut créer une telle différence. Voilà. Et puis, c'est donc, une histoire de physiologie. Alors, il y a plusieurs facteurs. Bon, l'accident mortel fait pas partie de notre quotidien. Par contre, nous, ce qu'on vit tous les jours, les uns les autres, c'est plutôt l'infraction. Là, qui soulève la question du rapport à la règle. Et là, on a un bon poste d'observation aussi. Vous savez, c'est ces fameux stages de récupération de points où pendant 2 jours, des gens viennent récupérer 4 points, hein, parce que le permis sent le roussi, parce que voilà. Bon. Eh ben, si vous voulez, un stage de récupération de points, c'est toujours 20 personnes dans une salle pendant 2 jours et c'est toujours 19 hommes et une femme. La question de la différence homme-femme, elle génère de la littérature depuis 2000 ans. Donc, moi, j'essaie de dire quand même 3 ficelles qui me semblent aussi importantes l'une que les autres. La première, tout simplement, c'est la ficelle biologique, parce que évidemment, ce qu'on sait bien et qu'on comprend mieux maintenant, c'est que à la puberté, le bombardement de testostérone qui va arriver uniquement chez les garçons et pas chez les filles, va activer ce qu'on appelle le système de récompense, c'est-à-dire les aires dans notre cerveau qui gèrent tout notre rapport au plaisir, à la gratification, quel que soit le plaisir, que ça soit l'alcool, le cannabis, le chocolat, le sexe ou la vitesse sur la route, c'est la même gare de triage, ça. C'est notre système de récompense. La testostérone va inonder de dopamine ce système chez les garçons. À partir de 14-15 ans, les garçons vont devenir beaucoup plus sensibles que les filles à ce qu'on appelle la sensibilité à la récompense. à cause de ce bombardement de testostérone dont on connaît bien par ailleurs les effets sur agressivité, prise de risque, compétitivité. Donc bon, voilà, le logiciel biologique, il est indéniablement, n'en déplaise peut-être aux féministes qui pensent qu'une femme et un homme c'est exactement la même chose, on en sait quand même un peu beaucoup plus maintenant sur la neurobiologie du cerveau, et c'est surtout un facteur de risque très important pour les hommes, parce que malheureusement pour eux à ce moment-là, une autre partie de notre cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, les fonctions exécutives, qui est celui qui contrôle les décisions en matière de plaisir. Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds quand je me lance dans un plaisir? Et malheureusement pour les hommes, les synapses qui connectent ces deux systèmes, le système de récompense du plaisir et le système de contrôle des décisions préfrontales, ces deux systèmes ne sont pas connectés avant 22, 23, 24 ans. Bon. C'est pour ça, d'ailleurs, on comprend bien que toutes les grandes pics de mortalité sont toujours à 19, 20 ans. Pas seulement l'accident de la route, hein. L'accident de la route, bien sûr, mais aussi les accidents en montagne, les grandes ivresses. Bon, alors donc ça, il y a déjà une grande différence homme-femme, c'est voilà, le logiciel biologique est différent. Ensuite, tout ne se résout pas à la biologie, bien sûr, parce qu'il y a quand même on voit bien qu'il y a des pays comme l'Angleterre ou le Japon où la différence homme-femme est plus réduite que chez nous. Depuis les débuts de l'humanité, le travail des hommes, ça a toujours été un peu la maîtrise de l'outil. Voilà, faut pas s'étonner que les hommes se sont passionnés pour la voiture pendant tout un siècle, parce que les hommes se passionnent pour les outils depuis la fin des temps, pour faire fonctionner la société, pour que le groupe vive et voilà, et survive, etc. Pendant ces milliers d'années où les hommes s'occupaient de ça, à quoi s'occupaient les femmes? Bah, pour beaucoup, évidemment, à la question de faire des enfants, les élever, et donc ça veut dire quoi élever des enfants? Ça veut dire se préoccuper de leur santé et de leur sécurité. Et c'est quelque chose qui n'est même pas humain. C'est, je veux dire, tous les psychologues qui sont intéressés à la psychologie animale vous diront que dans énormément d'espèces animales, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est-à-dire modérer les prises de risque des petits pour pas qu'ils se blessent et modérer les agressivités des mâles dominants pour pas qu'ils les mangent. Ça occupe une grande partie de la journée d'une femelle macaque ou chimpanzé qui passe une bonne partie de sa journée à faire ça. Donc elle fait exactement la même chose qu'une mère humaine ou une jeune femme de 25 ans qui rentre d'une discothèque. Hein, avec, je veux dire que l'ici et maintenant de l'accident mortel, les 18-25, c'est le dimanche matin à 5h quand on rentre de discothèque. Il peut y avoir de l'alcool et du cannabis. Mais malgré tout ça, eh bien, si dans la voiture, il y a 5 jeunes hommes ou il y a 2 jeunes hommes, 2 jeunes femmes, on voit très bien que ça ne va pas être la même histoire parce que les 2 jeunes femmes ont toujours un rôle protecteur sur les styles de conduite, sur les vitesses, etc. Donc, c'est quelque chose qui vient de très, très loin. Il y a une grosse partie de ma question que vous avez laissée de côté, Jean-Pascal Assailly. Qu'est-ce que la voiture colporte d'érotique? La voiture comme piège à filles. Oui, alors, bon... Ça marchait très bien avec nos grands-parents et nos parents. J'ai l'impression que ça marche moins quand même avec les nouvelles générations. Tout à fait d'accord avec vous. Les constructeurs automobiles, ils ont toujours essayé d'utiliser ce lien érotisme et puissance et vitesse. Chaque fois, en général, quand vous voyez une BMW, on met une bimbo un peu déshabillée devant. Donc c'est sûr que là, le message qu'on est en train d'envoyer aux jeunes hommes, c'est de dire, bah, celui qui peut se payer la voiture, il aura la fille grâce à la voiture. Voilà. Bon, ça, c'est un reste de notre société, je dirais, patriarcale, hein, où les femmes sont considérées un petit peu comme des objets. Dans la publicité, c'est quand même très commun. Le slogan disait, il a la voiture, il aura la femme. L'idée, c'est que la voiture serait un objet d'attrait sexuel parce qu'elle symboliserait la puissance virile. La puissance, le nombre de chevaux qui sont enfermés sous le capot serait comme un symbole de la virilité. Alors, la publicité, effectivement, a... Anne Saint-Dreux. A un rôle ambigu en ce qui concerne l'homme et la femme. Parce que on sait que dans le choix de l'automobile, souvent la femme décide ou influe sur le choix de son mari. Donc, en théorie, on devrait séduire les femmes. Mais, comme les publicités sont faites majoritairement par des hommes, ou tout du moins à une certaine époque, bon, ils avaient envie de se faire plaisir et de plaire aux hommes également. Il a l'argent. Il a le pouvoir. Il a une Audi. Il aura la femme. Les hommes croient qu'une belle voiture sert à montrer l'épaisseur de leur portefeuille. Mais elle sert aussi à montrer la beauté de leur âme. Il a l'argent. Il a le pouvoir. Il a une Audi. Il a une âme. Il aura la femme. Alors, cette publicité-là, je pense qu'elle pourrait vraiment faire les choux gras de psychologues, de psychanalystes, de sémiologues pendant des années et des années, tellement il y a de strates, d'autant plus que à la strate de l'argent, du pouvoir et du sexe, puisqu'il aura la femme, on rajoute quand même qu'il a une âme. Donc, c'est vraiment l'homme multidimensionnel. Mais ce qui est étrange, c'est que c'est une voix off qui dit tout ça. Et en conclusion, la voiture s'arrête, le conducteur reste un petit peu anonyme, on ne voit pas vraiment son visage, mais la femme qui l'a suivie rentre dans cette voiture comme si c'était une chose entendue. Une belle fille de l'Est. C'est un film tourné en noir et blanc, donc vraiment à vocation esthétisante. Et la femme regarde à travers la vitre, une fois qu'elle est installée dans la voiture, elle regarde la caméra, donc elle regarde le spectateur, droit dans les yeux, et elle dit « il aura la femme ». Donc elle signe non pas son arrêt de mort, ni son mais c'est une manière de s'assujettir. De capituler. Elle capitule devant l'argent, devant le portefeuille, devant l'âme peut-être, mais l'âme on l'a pas beaucoup vue finalement. On n'enlèvera pas, et ça c'est, je dirais, indécrottable. Mathieu Flonneau. On n'enlèvera pas au monde de l'automobile un machisme quasiment consubstantiel. Oui. Car c'est lié... D'où vient-il ? C'est lié, je pense, au fait que les premiers, effectivement, à avoir de façon fière, dominante, et sûre d'elles-mêmes, utiliser l'automobile, ce sont des hommes, ce sont des inventeurs, des ingénieurs, des techniciens qui se prévalaient là d'une forme de compétences techniques dont, voilà, ce qui est une stupidité aujourd'hui reconnue comme telle, l'ambiance de l'époque faisait que les femmes étaient cantonnées à d'autres domaines. Et avec la voiture, eh bien, c'est cette liberté qui s'offrait plutôt aux hommes. Et donc, à partir du moment où les femmes ont commencé à le revendiquer, mais c'est assez précoce quand même, dès la fin du 19e siècle, il y a des femmes qui passent le permis de conduire et qui en deviennent des parangons, finalement, de cette histoire féminine de l'automobile, mais c'est assez précoce. Et donc, il y a, parmi les premiers, en quelque sorte, détenteurs du permis de conduire, des détentrices du permis de conduire. Mais, oui, cette assimilation... à une forme de violence, à une forme de technicité supposée, à une forme de machisme, est indiscutable. André Roche. J'aurais tendance à penser que dans la première période dont nous avons parlé, donc celle qui va, admettons, des années 30 jusqu'aux années 50, c'est la domination masculine qui, ici, est importante. Mais une domination masculine, oui, qui donne le pouvoir, comme si c'était tout à fait naturel, à l'homme qui conduit. Lorsque nous entrons dans une période ultérieure, il est certain, et c'est surtout valable dans les campagnes françaises, que avoir une voiture permet d'avoir une femme. Je veux dire par là, parce que le terme est un peu court, que pour les agriculteurs des années 50, des années 60, qui ont des difficultés à trouver une épouse, parce que le travail à la ferme, c'est dur, parce que le travail à la ferme, ça permet pas de loisirs, parce que le travail à la ferme, ça veut dire qu'on est sale, etc. La voiture devient, en quelque sorte, ce qui permet d'épouser, ce qui permet d'entrer dans la société familiale. Et puis alors, plus récemment, quand les femmes accèdent à la conduite automobile, le choc entre hommes et femmes devient plus agressif. Donc, une femme qui laisse pas la priorité, on va quand même le lui dire, bon, avec toutes les insultes qui viennent. Les dites insultes pouvant, au fil du temps, se retourner. Hein, donc, bon, connard, t'as pas mis ton clignotant, ou que sais-je, des choses comme ça. Eh bien voilà, en plein Champs-Élysées, j'ai été trouver l'agent de police qui faisait la circulation et je suis allée lui demander ce qu'il pensait des femmes qui conduisent. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'agent ? Oh, vous savez, madame, en principe, elles conduisent mal là, parce qu'elles ne sont pas prudentes. Pourquoi ? Elles vont trop vite, elles font pas attention. Et quand elles sont à deux, elles parlent de je ne sais pas quoi, mais elles ne font jamais attention. Alors, croyez que les messieurs ne parlent jamais quand ils conduisent? Si, mais ils ont plus d'attention quand même que les dames. Je suis sûre que vous êtes très méchant avec les femmes qui conduisent. Pas assez, justement, mais je crois que je vais le devenir. Oh, je suis désolée, je suis désolée, je... Mais je suis désolée, j'avais mis ma flèche, pourtant vous ne m'avez pas vue. Alors peut-être qu'effectivement, bon, on a été beaucoup, on nous a beaucoup jeté d'injures, hein, femme au volant, accident, enfin bref. La bonne blague, c'était femme au volant, mort au tournant. Oui, voilà, ouais. C'était ça. Ah, oui, ce qu'on constate, c'est que les femmes provoquent beaucoup moins d'accidents que les hommes. Ou le rapport aussi, femme de ménage, donc permis de conduire dans une boîte de lessive. Ça aussi. Et non, je trouve que les femmes au volant, maintenant, elles sont excessivement agressives. Alors, est-ce qu'elles ont ce comportement-là parce que, justement, elles ne veulent pas se laisser marcher sur les pieds par les hommes? Je trouve ça un peu ridicule. Non, les femmes au volant sont agressives aussi. Hein. Mmh. Oh, mais j'en constate, moi, même autour de moi, même des petites voitures ou des grosses voitures. Hein. Non, les femmes au volant sont même, je dirais presque des fois, beaucoup plus agressives que les hommes, à l'heure actuelle. Ouais. Les femmes au volant, Florent Bussy, c'est considéré toujours un petit peu comme un objet de moquerie de la part des hommes qui font étalage de leur virilité, parce que les femmes au volant seraient molles, les femmes au volant ne seraient pas assurées, les femmes au volant seraient peut-être même des conductrices un petit peu dangereuses, par opposition à l'homme qui lui ferait preuve d'audace, mais aussi et surtout de maîtrise de lui-même, de maîtrise de son bolide, de sa facilité à faire des créneaux, par exemple, et la femme au volant est considérée comme un objet encore de dérision. De même que les hommes sont des femmes comme les autres, dit parfois le slogan, si nous étions tous des femmes au volant, eh bien, sans doute que nos sociétés automobiles donneraient lieu à moins d'incivilité, à moins d'agressivité, et sans doute, du coup, à moins d'accidents. Moi, je suis assez fier de, quand je conduis, de conduire quelque part comme une femme au volant, quoi. Cylindré, virilité, ton clignotant, connard. Bon, pour savoir où en est la circulation sur les routes, j'appelle tout de suite Christian Magdelaine au PC de Rosny-sous-Bois. Oui, alors tout d'abord, les nouvelles des inondations. Avec Christine, Florent Bussy, professeur de philosophie, André Roche, historien, Jean-Pascal Assailly, psychologue, Johan Collard, avocate, spécialiste de la défense des victimes de violences routières. Extrait des films Le Corneau de Gérard Houry, La Belle Verte de Colin Serrault et Les Choses de la Vie de Claude Sautet. Tout en s'attaquant au chômage, Pierre Mauroy, lui aussi, veut s'attaquer aux accidents de la route. Le Premier ministre cite un chiffre éloquent. L'année dernière, les morts et les blessés au volant ont coûté 2,5 fois plus cher à la collectivité que les indemnités chômage. Pierre Mauroy a répété l'ensemble des mesures qu'il compte prendre ce matin en inaugurant l'autoroute Orchy-Valenciennes, le Premier ministre au micro de Fréquence Nord. Nous avons décidé qu'il fallait en 5 ans réduire d'un tiers le nombre de morts par kilomètre parcouru. Merci à Leïla Picard de la Maison de la Pub à Paris 17e et à Jean de la Touffe. Je n'hésite pas à dire qu'il faut renforcer les contrôles, bien sûr. Bibliographie et liens sur franceculture.fr. Il faut respecter les limitations de vitesse. Il faut mettre sa ceinture de sécurité. Coordination Perrine Kervran. Attaché de production Marie-Vonne à Bolivier. Il faut mettre le casque pour les 2 routes motorisées. Archivina Manuela Dubessy. Et je le dis, parce que c'est peut-être le plus important, il faut surtout lutter contre l'alcoolisme. Un documentaire d'Olivier Chaumel, réalisé par Yvon Croisier. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter sur la route de 2020, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr.